À l'occasion de la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, sont parvenus des messages et lettres de félicitations au comité central de l'Union et à la conférence. Les destinataires sont le comité central du Parti communiste, les communistes russes, le président du comité exécutif national ougandais du mouvement panafricain, le secrétaire international de l'Union communiste finlandaise, le secrétaire du Parti progressiste du peuple du Nigeria, la direction de l'Union de la jeunesse révolutionnaire de Syrie, le Conseil central de la Fédération de la jeunesse communiste d'Espagne, l'Union de la jeunesse progressiste d'Égypte et autres personnalités des milieux politiques, sociaux et économiques et organisations de la jeunesse de divers pays.